بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on est toujours dans l'évocation de certains exemples d'alliances qui vont sortir de l'islam. C'était une des alliances qui va sortir de l'islam, ou un exemple. Se courir les coups forts contre les musulmans. Donc, dans نعم نعم وكذلك التشبه العام نعم اصلا كل هذا قد مر بنا في درس النساء في المراجعه تعتبر طيب donc parmi les exemples d'alliance ou de forme d'alliance qui fait sortir l'islam التشبه العام le fait de les imiter dans toute chose. كذلك تمجيد ما هم عليه من الكفر والشرك والمعتقد. Le fait d'honorer ce sur quoi ils sont comme mécréance et comme association. عليكم السلام. Tu honores ce sur quoi ils sont comme mécréance ou شرك. هذا كفر. طيب كذلك محبة نصرتهم وكراهية نصرة المسلمين عليهم وهذا فقط عمل قلبي le fait d'aimer les secourir et le fait de détester de secourir les musulmans contre eux ça même s'il ne le fait pas avec son œuvre même s'il ne le fait pas avec son corps du moment qu'il a ça dans son cœur, فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ عَنِ الْإِسْلَامِ نعم سادسا الدعوة إلى تطبيق ما هم عليه من تشريعات الكفرية وقد تقدم تفصيل ذلك في الناقد الرابع كذلك le fait d'appeler à appliquer ce sur quoi ils sont comme loi. Non. Ceci est de la méfiance. À la l'islam. Est-ce que c'est de la méfiance d'une manière globale? Le fait d'appeler à ce sur quoi ils sont comme loi. Ou comme règle. Là. Est-ce que c'est de la méfiance? Là. Anna, Allah subhanahu wa ta'ala, yakoul. ماذا عليكم السلام الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ceux qui ne jugent pas avec la loi d'Allah mais ça dépend si tu vois que leurs lois sont meilleures que les lois d'Allah c'est ça نعم بالتفصيل المذكور الذي ذكرنا si jamais tu vois que les lois d'autres qu'Allah sont meilleures que les lois d'Allah ça va quoi Et le fait aussi de voir que les lois d'Allah sont égales aux lois des hommes, ça a d'accord. Le fait de penser qu'il est licite de juger avec une autre loi que la loi d'Allah, ça a d'accord. Lakin si la personne, elle sait que la loi d'Allah c'est la meilleure et qu'il n'est pas permis de juger avec une autre loi. Mais cependant, il le fait quand même pour un quelconque, pour s'attirer un quelconque bienfait de cette vie d'ici-bas. Fa'ala ma'ala. Il sort de l'islam ou non. Lui, il reste encore dans l'islam. Bien que il a commis un très grand péché. Non. سابعاً الطعن في أحكام الإسلام إرضاءً لهم كالطعن في أحكام الحجاب والطلاق والنكاح. Parmi aussi les formes d'alliance avec les mécréants, les formes d'alliance qui font sortir de l'islam, le fait de discriminer certaines règles de l'islam. ceux-ci en recherchant par cela, par cette discrimination, leur agrément. L'agrément de qui? Les kofars. Par exemple, celui qui va discriminer les lois concernant le hijab, ou concernant le divorce, ou concernant le mariage. Il fait cela pour agréer les mécréants. هذا كفر يعني يخرج صاحبه من الإسلام. Si un gouverneur fait quoi? Par exemple, il fait une loi contre le... Contre le hijab. Non. Enfin, lui, on se doit de le mal. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un hakim, il change une loi d'Allah, par exemple le hijab, et il l'interdit. On se doit de le conseiller. Oui. Et si on lui fait iqama al hujja, c'est-à-dire avec le conseil, et qu'il continue, mal à la foule. Voilà, bien sûr. Maintenant, tu fais comme si tu étais un alim. Tu fais comme si tu étais un alim. Et que tu as le droit de rendre innovateur et rendre mécréant et rendre pervers la personne. Hein? Là, parce, là, non, mais regarde le nazar عن المصلحة والمفسدة. Là, il est venu avec une chose qui, en temps normal, c'est du kufr. Tamam? Toi, quand tu vas, tu lui fais iqama al-hujja, c'est-à-dire, tu lui expliques que ça, c'est du kufr. إن استمرت على ذلك فتخرج من الإسلام. Non. Lui, s'il vient et te dit oui, je sais que c'est de la mécréance, je sais que c'est que là, mais si je ne le fais pas, en gros, on va m'éjecter de la présidence. Voilà, c'est un kabir. Lui, il est dans un grand péché, mais il ne sort pas de l'islam. La si tu lui fais iqama al-hujja, tu le conseilles, et lui dit non, les lois d'Allah, c'est terminé. Les lois sont actuelles, elles sont meilleures. Voilà, faut vivre avec son temps des paroles comme ça. Ça a là, بعد إقامة الحجة, tout à fait. C'est là, il sera rendu méfiant. Qui parmi les grands présidents de notre époque a été rendu méfiant? Kadhafi. Kadhafi. Pourquoi? Il a changé le Coran. Et où il a voulu, où il a dit qu'il faut changer certaines paroles du Coran. C'est quelles paroles? Qul huwa Allahu ahad. Lui, quand il a dit, quand il est venu sur surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Il a dit non, pourquoi on dit Qul? Allahu ahad, yani khalas, le prophète il est mort, shubha. Mais quand tu regardes bien, tu dis c'est yani, quand tu vois les ma'asi qu'il y a autour de nous, tu vas pas te dire c'est le plus grand des ma'asi. Juste lui il a dit on dit pas qul. Mais en vérité, c'est un ismun kabirun marra. Parce que là il sait lui que c'est les paroles d'Allah azzawajal. Et c'est comme s'il vient et dit non, moi j'ai le droit où j'ai le pouvoir d'enlever ces deux lettres-là. Qaf ou lam. Bissabab hala, qaf ou lam, kafar. Kafarahum, kafarahu, l'ulama. Non. Et on lui a dit conseil, il n'a pas accepté. Non. Cheikh Ibn Baz, arsala lahu risala, al-mashaykh, fi al-mamlaka al-arabiya, kullhum, ou jullhum, arsalu lahu. Ils lui ont envoyé des lettres et tout, ils lui ont expliqué que ça c'est dangereux. Et lui, il n'a pas fait attention à leur courrier. Fakafaro. Donc après, ils l'ont rendu mécréant. Et vers la fin de sa vie, lui, il savait que les gens de la Sunna, ce sont ceux qui sont dans le droit chemin. Alors qu'est-ce qu'il a fait avant que le pays, il perde le contrôle de son pays? Il a demandé à ce que les prêcheurs qui sont sur la Sunna, ils viennent dans son pays. Et ils prêchent partout, comme quoi personne ne doit sortir contre le gouverneur. Non. Son fils, il n'a pas appelé Shariah. Ouais, son fils, il a appelé Shariah. Alors que, à l'époque, ils étaient très durs avec les gens qui allaient au Yémen. Les gens de Libye qui partaient au Yémen pour apprendre la science, ils étaient très durs avec eux. Jusqu'à, Kadhafi lui-même, il a dit ceux qui reviennent en Libye, je les tue. Non. Non. Enfin, malgré tout, قدر الله ما قدر. نعم. وكذلك parmi les gens, parmi les رؤساء qui ont été rendus mécréants. من مشهور جدا. صدام حسين. أي نعم. Ils l'ont rendu kafir. لكن il est mort à l'islam. لكن pendant son vivant, lui, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il est mort à l'islam? Le fait qu'il est mort avec sa shahada. Alors? Il est mort avec la shahada et il a eu l'une des meilleures morts. C'est Ajib. Ajib, jiddan, jiddan. Et quand tu lis son histoire, le tarikh de son histoire, tu comprends que c'était vraiment quelqu'un d'acquis. Très, très. Il avait un QI ou il y a une intelligence hors du commun. Et c'est pour ça même qu'il a réussi à diriger le pays d'Irak jusqu'à plus de 30 ans de direction. Non. Jusqu'à ce qu'ils sont venus, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais le chahid, c'est qu'il l'avait rendu mécréant. Pourquoi? Parce que quand on lui a dit, c'est quoi ta religion? Il a dit, ne m'interroge pas sur ma religion. Je suis communiste arabe. Il est un astila qui ba'ti, un astila qui arabe ba'ti, ou nahwa adakala. Ou une parole comme ça. Il a dit, ne m'interroge pas sur ma religion. Moi, je suis communiste arabe et fier de l'être, ou une kalima comme ça, tu vois. Et cette parole-là, elle a été reprise dans beaucoup de populations arabes. Yani, ma'ana kan yaftakhir. Ils se vantaient de, en gros, laissez-moi tranquille la religion. Moi, c'est mon parti communiste ou socialiste, je sais plus, il était quoi lui. Al-Mohim, à cause de ces paroles-là, ils l'ont kafar. Bien sûr, après l'avoir conseillé. Yeah. Et tous les chrétiens. À la Wajir Ard, quand ils regardent le prêche des gens de la Sunna, ils voient que c'est vraiment le prêche du prophète, alayhi salam. Un prêche saint, qui n'appelle ni à poser des bombes, ni à causer des troubles dans la société ou quoi. Non. Bel, c'est un prêche qui vise le visage d'Allah, Azza wa Jal, faqat. Nous, on ne veut pas être le gouverneur de tel pays, prendre l'or de tel ou tel pays. Non. Non. Vous savez, la plupart des gouverneurs, ils savent où elle est la vérité et quelle est la secte, la seule secte de l'islam qui respecte le livre d'Allah et la sunna du prophète. Non. Non. Non. Non. كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ما كوميونيتي بس ديفيزي ان 73 سكت elles diront tout en enfer sauf une de quoi une secte parmi ces sectes. نعم. ايه نحن في العربية نقتدي. نعم. طيب. Donc ça c'est des exemples de formes d'alliance avec les mécréants qui font sortir de l'islam. نعم. ايه يعني لحظة يعني صدام حسين c'est quelqu'un de très très courageux. De très très courageux. Et subhanallah, quand tu vois l'Irak de son époque et l'Irak d'aujourd'hui, tu te dis, mais subhanallah, c'est farq shafi'. C'est-à-dire que l'Irak à son époque, elle avait atteint presque le sommet de, yani, même dans la technologie, même dans l'économie du pays, tout allait bien. Il a tenté de renverser l'Arabie Saoudite. Oui, il a tenté de renverser l'Arabie Saoudite. Ça y est. Avec leur argent en plus. Avec leur argent. Oui, parce qu'eux, ils l'avaient financé lui. Ouais. Pour qu'ils contre les Russes. C'est eux qui l'ont mis. Subhanallah. Ils l'ont armé et tout. C'est les Russes. Mais il y a eu beaucoup de khianat en vérité. Parce que même lui, comment il s'est fait. À partir de quand les Américains lui ont ils lui ont coupé les pattes. C'est quand avec la guerre du Koweït. Et la guerre du Koweït, c'était un accord avec les Américains à la base. C'est-à-dire il leur a demandé la permission, ou il leur a dit, ouais, le Koweït, en vérité, c'est mon pays, c'est une partie de moi. Moi, je vais le reprendre. Et ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et eux, ils attendaient juste un faux pas de lui pour pouvoir rentrer en guerre avec lui. Et lui, il a fait ça avec leur accord, tout était clair. Quand il est rentré, dès qu'il est rentré, ils sont arrivés avec les avions, ils ont fait comment ils appellent ça? Ils appellent ça la nuit des étoiles. C'est-à-dire que en une soirée, ils ont versé sur Bagdad plus de 2000 ou 5000 bombes en avion. C'est-à-dire que dans l'histoire des guerres et tout, c'est une des choses qui s'est rarement fait. Mais malgré tout, il a tenu le pays, surtout lui, il était contre les chiites. Alors les chiites, il leur a fait ce que jamais un président n'a fait. Avec des armes chimiques, avec des... Il les a presque éradiqués de l'Irak. Et Bachar, il était de faire maintenant. Ouais, mais Bachar, lui, il veut faire ça avec les gens de la Sunna. Voilà. Et encore, avec les gens de la Sunna, bon, il y a tellement de tralites, c'est... Soya, que tu peux pas savoir si c'est vraiment des gens de la Sunna ou pas. Al-Shahad, c'est que vraiment qu'Allah il facilite pour les hukam. Il faut pas oublier les hukam dans les du'as. Parce que quand tu fais des du'as pour le hakim, en vérité, c'est comme si tu faisais des du'as pour toi, pour ta famille, pour ta tribu, pour ta communauté, pour ton pays tout entier. Parce que le bien du hakim, ça va revenir sur toi. Non. Vous avez déjà entendu parler, Inch'Allah, si Allah facilite que le khutbah du Jumu'ah, on évoque certains points importants du tarikh à l'islami. Parce que quand tu vois le tarikh de l'islam, voilà, tastakhir. Yani, tu sens un farah, tu sens un bonheur, une joie de voir comment ils étaient les ancêtres. Voilà. Il y a un roi à l'époque où le Mali, c'était un empire. Juste khayyal. Le Mali, c'était un empire. Juste imagine-toi, yani. Un empire, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est plus qu'une dawla, c'est plus qu'un pays. C'est une puissance, voilà. Et on appelait comment on dit en arabe? Al-Muhim, l'empire du Mali. C'était le Mali et le Sénégal. Et son roi, il était, yani, immensément riche. Mais subhanallah, c'est khayyal. Imagine-toi, le roi du Mali, il était immensément riche. C'est-à-dire que c'est l'une des fortunes que la terre n'a jamais connue, presque. Il est venu faire le Hajj pendant une année, je crois que son prénom, c'est Moussa. Faudrait que je regarde comment. Moussa, je ne sais plus son nom, mais son prénom, c'est Moussa. Al-Muhim. Encore Moussa, un truc comme ça. Je sais plus. Al-Muhim, il est arrivé à faire le Hajj et il est venu avec une caravane complète remplie d'or pour donner aux pauvres. ايش من فخر وايش من قوه وايش من اموال aujourd'hui personne, même le plus riche des américains ou le plus riche, il peut pas faire un truc comme ça. Il peut pas. Quand tu dis une caravane, c'est pas forcément une. Une caravane, c'est voilà, c'est un convoi, voilà, c'est mieux de le traduire comme ça. Même un convoi rempli d'or pour qui? Pour les pauvres. C'est pas un commerce qu'il fait avec pour avoir des intérêts ou quoi, non. Lui, il vient pour donner ça aux pauvres. Un convoi. Là, c'est de l'or. Ça veut dire l'or, c'est la valeur qui baisse jamais, tu vois. Tu parles de l'or il y a je sais pas combien d'années, et l'or aujourd'hui, c'est pas possible qu'il y ait un arc. C'est soit ça c'est plus cher à l'heure actuelle, ou soit c'est le même prix. Mais ça peut pas donner de défense. Non. Enfin, ça, c'est pour vous faire comprendre comme quoi. Non. Dans l'histoire islamique, elle est azim. Et quand tu comprends ça, tu dis subhanallah, Allah, il a honoré tous ceux qui se sont accrochés à cette religion. Non. Et pour revenir à Saddam Hussein, on a demandé à Cheikh Saddam Hussein, ma hal. Et Cheikh, il voyait que c'était un cadre. Il dit, un cadre. On lui a dit, mais Cheikh, tu sais qu'il est mort en disant la shahada? Il dit, hein? Mada? Adam Mouakkad. Il a demandé si c'était vraiment. C'est confirmé ce qu'il a dit la shahada, c'est ça? والذي نعم إلى دليل الشهادة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وقتل بعد ذلك فإنه مات على الإسلام. وأي إسلام أعظم؟ C'est quel islam encore? C'est l'un des meilleurs islams. Il est mort tué par les Rafidah. Et les Rafidah, il faut savoir que les chiites, les Rawafid, c'est aussi des Khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Khairu qatla tahta adim istama man qatalu. Le meilleur des tués qui se trouve en dessous de la sphère céleste. Le meilleur des tués, c'est celui que eux ils vont tuer. Que les Khawarij vont tuer. Non. C'est-à-dire, toute personne qui est morte de la main ou par la cause des Khawarij, que ce soit des Khawarij, Rawafid ou autre, non. Il fait partie des meilleurs des tués. Non. Alors, en plus de ça, il a été tué par eux. Et en plus de ça, il est mort en disant La ilaha illallah. Sa dernière kalima. C'est agib. Même si ceux qui suivaient un peu son procès, apparemment, ils venaient souvent avec le Coran. Ils leur demandaient de vivre avec le Coran. Et comment ils l'ont tué? C'est pas ils l'ont tué simplement. C'est vraiment, ils ont voulu essayer, ils ont essayé de le faire souffrir. Même il est dans l'affre de la mort, il faut qu'il souffre. Parce qu'ils ont pris des cordes pour le pendre. Des cordes vers, c'est pas les cordes de pendaison habituelles. Pour te donner un exemple, son collègue, je sais plus si c'était le ministre de la Défense ou quoi, quelqu'un, c'était lui l'homme d'exécution. C'est-à-dire quand Saddam Hussein il disait fait quelque chose contre les chiites, c'est lui qui allait et qui envoyait une armée ou quoi. Alors lui, quand ils l'ont pendu, ils l'ont pendu avec une corde qui est une corde qui pourrait tuer un taureau ou un cheval, tu vois. Ils lui ont mis la corde autour du cou. Quand ils l'ont fait descendre, tellement la corde elle était dure et elle a agrippé le cou, la tête elle a sauté en l'air. Non. C'est-à-dire, il est mort de pendaison et en même temps décapité. C'est l'un seul autre. Le fait qu'ils ont fait le jour de l'Aïd. Naam, kadalik. Naam, kadalik. Il est mort le jour de l'Aïd. Et c'est pas l'Aïd al-Fitr. L'Aïd al-Adha. C'est le meilleur jour de l'année. Ma honaka ajmal min hada al-yom. Ba'd yom Arafa. Et encore, il y a un khilaf. Il y en a qui disent c'est Arafa, c'est-à-dire le jour d'avant. Et il y en a qui disent c'est Yom al-Aïd. Al-Muhim, il est mort dans les 10 premiers jours de Muharram. Ça aussi, c'est parmi les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Et le fait qu'il ait exécuté le jour de l'Aïd, alors qu'il le tenait depuis des mois et des mois, et qu'il ait choisi le jour de l'Aïd, ça, c'est pas fait au hasard. Yani, ça, c'est pour mettre de la peur dans le cœur des musulmans et aussi pour humilier les musulmans. Pour humilier les musulmans. Et Kadhafi, d'ailleurs, ce jour-là, lorsque il est mort, Saddam Hussein, et il y avait une réunion exceptionnelle des pays arabes. Et Kadhafi, il dit dans cette réunion-là, il dit, ce qu'ils ont fait à Saddam, ils vont nous le faire à la kulli wahid wahid. Ils vont le faire chacun un par un. Un par un, ils vont le faire. En gros, méfiez-vous. Non. Et apparemment, de ce qu'on m'a rapporté, Bachir al-Assad, dans cette assise, il rigolait. Il se moquait de Al-Qaddafi. Oui, oui, oui. Comme quoi, ce qu'ils ont fait à cette dame, ils vont le faire. Et sachez aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas un dirigeant parmi les dirigeants arabes qui ne sait pas qu'est-ce qui se trame quand il y a un attentat, c'est qui a fait ça quand, tu vois, parce que nous on est en dessous de la pyramide, on prend les akhbar des informations quoi, mais ceux qui sont avec les qui ont les renseignements généraux dans leur pays ou quoi, ils savent très bien, et tout ce qui se passe là c'est qu'une ruse. Azim contre les gens de l'islam. C'est qu'une ruse azim contre les gens de l'islam. Voilà, voilà. Al-Muhim, pour revenir au Dars, afin qu'on termine ce naqib. Donc on a vu les différents exemples d'alliances qui font sortir l'islam. Et les alliances, on va voir là certaines alliances qui ne font pas sortir de l'islam, mais qui sont quand même des formes de péché. On n'a pas vu la 8e. La 8e, on n'a pas vu. Ah ouais, na'am. Ad-da'wa, ila. Enfin, voilà, c'est ila. Ad-da'wa, ila wahdati l'adyan. Wa adam. Wa adam, at-tafriq bain al-muslim wa al-kafir bi sabab dinih. Et le fait aussi de prêcher ou d'appeler à l'unification des religions. Ça, c'est du kufr. Ça, c'est du kufr, voilà. Non. C'est ce qu'il veut. Ah ouais. Moi, pour moi, la nouvelle religion qui veut instaurer, c'est la laïcité. Non, non. Et ah ouais. La perversité totale, le total accès de. Non, c'est vrai. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça qui veut. Mais celui qui croit en ça, ben celui-là, il est certes sorti de l'islam. Maintenant, il propose des formations pour l'islam de France. Il propose des formations pour l'islam de France. Ah, c'est sur le cas. Allah, ça c'est vraiment, que ils ont désespéré de voir les musulmans tout, yani dans leur globalité, les suivre dans ce genre de choses. Et il n'y a que l'islam, il n'y a que les gens de l'islam où il n'y a que cette religion qui est restée ferme face à la mondialisation et au développement. C'est-à-dire que eux, ils voient que toutes les autres religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, même le bouddhisme ou quoi, toutes les autres religions, lorsqu'on parle de modernisation ou de mondialisation, khalas, eux, ils vont laisser leur religion de côté et accepter ce qu'on leur ramène. Voilà, ils vont modifier un peu dans leur religion, ils vont dire, ouais, bon, ok, on peut faire ça. Tandis que l'islam, non. Ce Coran-là, ils essayent ils font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est en leurs moyens pour le modifier. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? C'est un Coran qui s'apprend de personne en personne. Hibban. C'est pas quelque chose qui... Il ne peut pas venir te retirer quelque chose qu'il y a dans ton cœur. Non. C'est pas quelque chose qui est dans des papiers. Non, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Hibban. Min al-sirar et al-kibar. Alors là, ils sont ayyessou. Donc là, ils essayent de trouver tout ce qu'ils peuvent comme moyen pour mettre fin à cet isolement, l'isolement des gens de l'islam. Ils veulent absolument qu'on rentre dans leur voie ou quoi que ce soit. Donc ça, le fait de prêcher ou d'appeler à l'unification des religions, c'est la méfiance. Et aussi le fait de ne pas différencier. Celui qui dit qu'il n'y a pas de différence entre le musulman et le kafir au niveau de la religion, ça, kufr. Ça aussi, c'est du kufr. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul lakum dinakum wa liya din. Vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. Naam. Voyez, au sujet des exemples qui concernent les formes d'alliance qui ne fait pas sortir de l'islam, اولا المداهنه وثانيا الركن القليل وثالثا اكرام الكافر يعني c'est des choses qui peuvent arriver à la personne, c'est-à-dire un rukn al-qalil, c'est le fait de faire de s'appuyer sur les kuffars. Tu t'appuies mais tout en ayant dans ton cœur tout en sachant que le haqq c'est l'islam et que yani Haoula, ils sont dans un égarement. Ou quoi? Mais toi, tu t'appuies sur eux. Et ce rukn al-qalil, il peut jouer dans beaucoup de choses. Le fait de s'appuyer sur eux, ça peut être dans beaucoup de choses. Par exemple, tu veux pas sortir, tu veux pas quitter la France parce que tu te dis non, il y a des facilités ici quand je suis avec quand je suis au milieu d'eux, j'ai des facilités que je n'ai pas trouvé ailleurs. Là, c'est de Rukn al-Kalim. Ça rentre dans le fait de s'appuyer sur eux. Mais cet appuiement-là, ça ne fait pas sortir l'islam. Ça ne fait pas sortir l'islam. Mais c'est quand même un péché. C'est quand même un péché. L'insan, il doit placer sa confiance en Allah, Azza wa Jalla, à la ghayr. Il doit placer sa confiance en Allah, Azza wa Jalla, et non à autre. Aussi, le fait d'honorer d'honorer une personne mécréante, min ajli dunyahum, ma'a adam niyat da'watihi ila l'islam, wa ma'a i'tiqad al-qalb bi butlan ma hum 'alayhi min al-kufr. Et aussi le fait d'honorer une personne mécréante. Vous voyez, tu l'honores, mais tu l'honores pas, c'est-à-dire pour que ça soit pour lui un prêche vers l'islam. Toi, ça t'est égal de l'appeler à l'islam. Mais tu l'honores parce que, à cause de sa dunia. Par exemple, on va dire, lui, c'est le vice-premier ministre, Mazalan. Il vient chez toi. Toi, tu vas l'honorer pourquoi? Parce que c'est le vice-premier ministre. Tu vas pas l'honorer parce que tu veux l'appeler à l'islam. Ça, mais tout en étant préservé, c'est-à-dire de croire qu'il est dans un haq ou de croire que tu vas le suivre dans sa religion. Ça, c'est quoi? C'est, ça rentre dans une forme d'alliance, mais ça ne fait pas sortir d'islam. Est-ce que ça rentre dedans, genre, par exemple, le jour de l'Aïd, quand il faut venir le maire fait un discours, après tout le monde l'applaudit, les jeunes l'applaudissent. Tout le monde. Ça rentre dedans, ça? Ouais, ça rentre dedans. Ça rentre dedans, parce qu'eux, ils font ça. C'est de la complaisance, quoi. Ouais, voilà, c'est de la complaisance, quoi. C'est gentil avec nous. Voilà. C'est de la complaisance. Non. Voilà. Et en plus, le pire, c'est vraiment... C'est que le maire, quand il fait des trucs comme ça, ben, c'est pas les musulmans. Non. Lui, il a une masraha derrière. Il sait que Haoula, s'il vote pour moi, khalas, en gros, mon moule qu'il est encore présent. Je leur fais 2-3 apparitions comme ça, wa Haoula, masakin. Et après, elle me dit, si vraiment tous les immigrés, ou plutôt tous les musulmans qui sont en France, ils quittent la France, le pays risque de faire faillite. C'est-à-dire, il risque d'avoir une inflation énorme dans l'économie du pays. Parce que nous, on ne se rend pas compte. Mais le nombre de musulmans... La France, c'est le pays qui contient le plus de musulmans parmi les pays occidentaux. Il y a plus de musulmans en France qu'aux États-Unis. Alors que les États-Unis, ça fait combien la France? Il y a plus de musulmans en France qu'en Angleterre. Non. Il y a plus de musulmans en France que dans n'importe quel pays d'Europe. Non. Et malgré tout, c'est en France que tu vas trouver les lois les plus dures contre l'islam. Oui. Oui. مسألة متى يعذر المسلم في إظهار المودة للكافرين؟ Quand est-ce que le musulman il est pardonné ou il est excusé lorsqu'il montre un quelconque amour pour un mécréant? Dans quel cas? طيب يعذر المسلم في ذلك بشروط. Le musulman il est excusable dans cela, mais à condition. Il y a certaines conditions. La première, أن يكون خوفا منهم لأنه تحت سلطانهم وقدرتهم. S'il le fait par crainte d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent au-dessus de leur autorité, en dessous de leur autorité et de leur emprise. Il est sous leur emprise. Alors lui, ça lui est permis. Ça c'est une condition. Comme ceux, il y a des prêcheurs qui ont été, lorsqu'il y a eu des attentats de Charlie Hebdo ou quoi, il y en a, vous avez trouvé, ils sont partis présenter des paroles ajib, ou faire des heures, soit aller à l'église, soit faire des œuvres. Pourquoi? Pour certains. Parce qu'ils avaient peur qu'on leur fasse des torts du gouvernement. Et donc celui-là, si toutefois les conditions elles sont toutes réunies, alors celui-là, il ne sort pas de l'islam et il ne prend même pas de péché. Bien sûr, il faut que les conditions elles soient réunies. Donc là, c'est qu'une seule condition. La deuxième, c'est que an yakuna tilka al-mawadda fi al-zahir dun al-batin. Que cet amour qu'il montre, qu'il laisse apparaître, que ce soit un amour qui soit dans l'apparence et pas dans le cœur. Non. Que si c'est dans le cœur, fa hada la yu'dha. Celui-là, il n'est pas pardonnable. Non. Thalithan, an la yajurrahu dhalika ila i'anatihim wa munasaratihim ala al-muslimin. Et troisièmement, il ne faut pas que le fait qu'il leur montre son amour, ceci va les aider contre les musulmans. Ceci va les aider et les secourir contre les musulmans. Naam. Et on a évoqué un kalam de Mohamed Al-Amin al-Shinqiti qui explique tout cela. Naam. Qui explique cela. Donc celui qui veut lire la kalima et il la lira فيما بينه. طيب لا ينوت مسألة حكم. يعني ما حكم الإقامة في بلاد الكفر والتجنس بجنسية كافرة. Quel est le jugement de résider en pays de kufre, dans un pays mécréant, ou de prendre la nationalité de ce pays pour des gens qui sont d'origine musulmane. قال العلامة عبد الرحمن بن القاسم اتفقوا على وجوب الهجرة عن ديار الكفر لمن قدر عليه أو لمن قدر على ذلك والهجرة طيب والهجرة خروج من تلك الدار إلى دار دونك لا الشيخ عبد الرحمن بن القاسم يدي que l'unanimité des savants est d'accord et d'accord sur le fait que la hijra est obligatoire. L'immigration est obligatoire pour celui qui en a la possibilité. Et ensuite, il explique, il dit, wa la hijra khuruj min tilka ad-dar ila dar al-islam wa hiya thabitatun bil kitab wa sunna wa al-ijma' al-mutawa'id man tarakaha. Et donc la hijra, c'est une chose qui est confirmée dans le Coran ainsi que dans la sunna et ainsi que selon l'unanimité des savants. Et il y a une forte mise en garde contre celui ou pour celui qui la délaisse. بل فرضها الله على رسوله قبل فرض الصوم والحج. Et ça c'est une faïda. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné la hijra, l'émigration dans le sentier d'Allah, avant qu'il ordonne le hajj, qui fait partie des piliers d'Islam. Et avant qu'il ordonne le jeûne, qui fait partie aussi des piliers d'Islam. ثم قال الشيخ ولا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهلها. Ça c'est un kalam nafi. Et personne ne peut échapper du shirk, ne peut échapper, se préserver du shirk, si ce n'est après qu'il se soit séparé des partisans du shirk. Les partisans du shirk ou du kufr. Non. Et ça, fi'lan ya ikhwata. Quand tu restes dans ce genre de pays, sans jamais en sortir, tu peux tomber dans le shirk ou un matadri. Tu peux tomber dans le shirk sans le savoir. Mathalan, ils ont demandé à Sheikh Fawzan, celui qui porte un maillot de foot, avec le nom d'un joueur qui est mécréant. Voyez, Mahatm Dharif. Il dit, si lui, il porte ce maillot en honorant la personne alors que c'est un kafir, yani pour honorer la personne alors que c'est un kafir, fawa kafir un murtad. Il est mécréant et il est sorti de ça. Hakam, alan. كم في من المسلمين تخرجهم من الإسلام بسبب هذا الشيء الواحد فقط. Combien tu vas sortir des personnes d'islam juste avec cette chose là. نعم. Donc فعلا, le fait de s'éloigner de ce genre de pays préserve la personne dans sa religion et dans sa foi. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز ولا يجوز أخذ جنسية كافرة. وقد صدر منا فتوى في حكم التنجيز التنجس أو التجنس بجنسية كافرة مضمونها لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد أو بلاد حكومتها كافرة. Donc ça c'est une fatwa de la lajna, comment tu dis lajna? Le comité, voilà, le comité des grands savants d'Arabie Saoudite au temps de l'imam Ibn Baz, qui dit qu'il n'est pas permis à une personne qui est musulmane de prendre une nationalité d'un gouvernement mécréant. لأن ذلك وسيلة إلى موالتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل. Pourquoi ? Parce que ceci est un chemin qui va mener à une forme d'alliance avec eux et d'être en accord avec ce sur quoi ils sont comme chose erronée et fausse. Naam. Fa alladhi huwa min bilad min al-buldan al-islamiyya. Kal Mali ou al-Jazair ou al-Maghrib ou كذا. ليس له en vérité il n'a pas le droit de prendre une nationalité comme la nationalité française ou la nationalité anglaise ou américaine. Non. Parce que ce qu'on fait beaucoup de nos parents en cela, c'est une ghalat. C'est une erreur kabir qu'ils ont commis. Fa al-shakhs wulida ma'a بعد تقدير الله la personne elle est née avec cette nationalité. Lui il ne l'a pas demandé. Qadaran, Allah il a décrété, voilà, il est né, ses parents ils ont émigré en France, il est né avec cette jinsie. Fahada al-shakh, si il peut se débarrasser, une fois qu'il aura récupéré sa nationalité d'origine, s'il peut se débarrasser de la nationalité française ou autre, qu'il le fasse. وهذا يرجع إلى الإيمان. كل ما قوي الإيمان كل ما ابتعد بسرعة عن ما فيه ريب. Plus la personne elle est forte dans sa foi, plus elle est capable de faire ce genre de choses. Yeah. Et certains ils vont dire oui, mais avec le passeport français on a des facilités. Voilà chaque. Et ça, c'est vrai qu'il y a énormément de facilités avec ce passeport et avec cette fille. Lakin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un savant qui, parmi les savants de la Sunna, qui dise que c'est une excuse. Qui dise que c'est une excuse pour garder cette nationalité. À la kulli hal, le plus important, même pour celui pour qui ce serait difficile de se débarrasser de cette nationalité, le plus important, c'est de ne pas résider dans ce genre de pays. C'est ça le plus important. Après, si tu te sers de ta nationalité pour avoir une résidence dans un pays musulman, فَهُنَا يقولون الوسائل لها احكام المقاصد toutes les choses qui sont intermédiaires pour que tu arrives à ton but, si ton but il est obligatoire, alors les intermédiaires ils deviennent obligatoires. Si la hijra maintenant elle est obligatoire, ce qui va te permettre de la faire, que ce soit l'argent, si toutefois tu trouves une terre qui pourrait t'accepter parce que tu es de nationalité française, enfin, peut-être à cause de, par rapport à cela, Obama, on va te permettre de garder ta nationalité. Ça, c'est juste une opinion que je vous donne, mais jusqu'à là, je n'ai pas entendu parler un seul alim parmi les ulémas de l'Al-Sunnah qui disent que tu peux garder ta nationalité française si toutefois tu penses qu'elle t'est utile pour des choses de cette dunya. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهِ. Et celui qui laisse une chose pour Allah, Allah lui remplace. وَإِلَى هُنَا وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.